FSI, French Revised, Unit 5, Tape 4. Grammar 1, Noun Marker, Plusieurs. Learning Drills. Learning Drill 1. Il reste quelques robes en solde. Il reste quelques robes en solde. Quelques manteaux. Il reste quelques manteaux en solde. Quelques costumes. Il reste quelques costumes en solde. Quelques paires. Il reste quelques paires en solde. Quelques chemises. Il reste quelques chemises en solde. Quelques livres. Il reste quelques livres en solde. Quelques bijoux. Il reste quelques bijoux en solde. Quelques modèles. Il reste quelques modèles en solde. Quelques robes. Il reste quelques robes en solde. Learning Drill 2. Je vais travailler là-bas pendant quelques étés. Je vais travailler là-bas pendant quelques étés. Pendant quelques années. Je vais travailler là-bas pendant quelques années. Pendant quelques après-midi. Je vais travailler là-bas pendant quelques après-midi. Pendant quelques hivers. Je vais travailler là-bas pendant quelques hivers. Pendant quelques automnes. Je vais travailler là-bas pendant quelques automnes. Pendant quelques heures. Je vais travailler là-bas pendant quelques heures. Pendant quelques étés. Je vais travailler là-bas pendant quelques étés. Learning Drill 3. Quelle robe avez-vous? Quelle robe avez-vous? Quelle place? Quelle place avez-vous? Quelle chambre? Quelle chambre avez-vous? Quelle date? Quelle date avez-vous? Quelle couchette? Quelle couchette avez-vous? Quelle valise? Quelle valise avez-vous? Quelle pointure? Quelle pointure avez-vous? Learning Drill 4. Quel billet voulez-vous? Quel billet voulez-vous? Quel train? Quel train voulez-vous? Quel compartiment? Quel compartiment voulez-vous? Quel livre? Quel livre voulez-vous? Quel modèle? Quel modèle voulez-vous? Quel bureau? Quel bureau voulez-vous? Quel manteau? Quel manteau voulez-vous? Quel jour? Quel jour voulez-vous? Quel costume? Quel costume voulez-vous? Quel billet? Quel billet voulez-vous? Learning Drill 5. Quels étages allez-vous voir? Quels étages allez-vous voir? Quels hôtels? Quels hôtels allez-vous voir? Quels amis? Quels amis allez-vous voir? Quels enfants? Quels enfants allez-vous voir? Quelles épiceries? Quelles épiceries allez-vous voir? Quelles autos? Quelles autos allez-vous voir? Quels épiciers? Quels épiciers allez-vous voir? Quels étages? Quels étages allez-vous voir? Learning Drill 6. Il y a certains hôtels qui sont très beaux. Il y a certains hôtels qui sont très beaux. Certains magasins. Il y a certains magasins qui sont très beaux. Certains hivers. Il y a certains hivers qui sont très beaux. Certains souvenirs. Il y a certains souvenirs qui sont très beaux. Certains automnes. Il y a certains automnes qui sont très beaux. Certains livres. Il y a certains livres qui sont très beaux. Certains hôtels. Il y a certains hôtels qui sont très beaux. Learning Drill 7. Il y a certaines choses qui sont très bien. Il y a certaines choses qui sont très bien. Certaines épiceries. Il y a certaines épiceries qui sont très bien. Certaines villas. Il y a certaines villas qui sont très bien. Certaines autos. Il y a certaines autos qui sont très bien. Certaines places. Il y a certaines places qui sont très bien. Certaines heures. Il y a certaines heures qui sont très bien. Certaines choses. Il y a certaines choses qui sont très bien. Learning Drill 8. Ils ont plusieurs salles de classe. Ils ont plusieurs salles de classe. Plusieurs valises. Ils ont plusieurs valises. Plusieurs costumes. Ils ont plusieurs costumes. Plusieurs livres. Ils ont plusieurs livres. Plusieurs modèles. Ils ont plusieurs modèles. Plusieurs manteaux. Ils ont plusieurs manteaux. Plusieurs minutes. Ils ont plusieurs minutes. Plusieurs salles de classe. Ils ont plusieurs salles de classe. Learning Drill 9. Ils ont plusieurs amis. Ils ont plusieurs amis. Plusieurs hôtels. Ils ont plusieurs hôtels. Plusieurs étages. Ils ont plusieurs étages. Plusieurs heures. Ils ont plusieurs heures. Plusieurs enfants. Ils ont plusieurs enfants. Plusieurs autos. Ils ont plusieurs autos. Plusieurs épiceries. Ils ont plusieurs épiceries. Plusieurs amis. Ils ont plusieurs amis. Learning Drill 10. Il reste quelques billets. Il reste quelques billets. Quelques heures. Il reste quelques heures. Quelques places. Il reste quelques places. Quelques heures. Il reste quelques heures. Quelques hôtels. Il reste quelques hôtels. Plusieurs hôtels. Il reste plusieurs hôtels. Quelques minutes. Il reste quelques minutes. Quelques après-midi. Il reste quelques après-midi. Quelques billets. Il reste quelques billets. Practice drills. Practice drill A1. Il y a plusieurs autos. Il y a plusieurs autos. Wagon. Il y a plusieurs wagons. Départ. Il y a plusieurs départs. Hôtel. Il y a plusieurs hôtels. Route. Il y a plusieurs routes. Étage. Il y a plusieurs étages. Modèle. Il y a plusieurs modèles. Auto. Il y a plusieurs autos. Practice drill A2. Tutor. Vous avez des salles de classe? Student. Oui, nous avons plusieurs salles de classe. Vous avez des valises? Oui, nous avons plusieurs valises. Vous avez des chambres? Oui, nous avons plusieurs chambres. Vous avez des fiches? Oui, nous avons plusieurs fiches. Vous avez des amis? Oui, nous avons plusieurs amis. Vous avez des couchettes? Oui, nous avons plusieurs couchettes. Vous avez des places? Oui, nous avons plusieurs places. Vous avez des questions? Oui, nous avons plusieurs questions. Practice drill A3. Tutor. Ils ont des fenêtres? Student. Je ne sais pas, je crois qu'ils ont plusieurs fenêtres. Ils ont des amis? Je ne sais pas, je crois qu'ils ont plusieurs amis. Ils ont des couchettes? Je ne sais pas. Je crois qu'ils ont plusieurs couchettes. Ils ont des bureaux? Je ne sais pas. Je crois qu'ils ont plusieurs bureaux. Ils ont des enfants? Je ne sais pas. Je crois qu'ils ont plusieurs enfants. Ils ont des billets? Je ne sais pas. Je crois qu'ils ont plusieurs billets. Ils ont des livres? Je ne sais pas. Je crois qu'ils ont plusieurs livres. Ils ont des questions? Je ne sais pas. Je crois qu'ils ont plusieurs questions. Ils ont des modèles français? Je ne sais pas. Je crois qu'ils ont plusieurs modèles français. Practice drill A4. Tutor. Je voudrais une chemise. C'est tout ce qui reste? Student. Non, il reste plusieurs chemises. Je voudrais une robe. C'est tout ce qui reste? Non, il reste plusieurs robes. Je voudrais quelques livres. C'est tout ce qui reste? Non, il reste plusieurs livres. Je voudrais une fiche. C'est tout ce qui reste? Non, il reste plusieurs fiches. Je voudrais un costume. C'est tout ce qui reste? Non, il reste plusieurs costumes. Je voudrais quelques billets. C'est tout ce qui reste? Non, il reste plusieurs billets. Practice drill A5. Je pars dans quelques minutes. Je pars dans quelques minutes. Heure. Je pars dans quelques heures. Moi. Je pars dans quelques mois. Jour. Je pars dans quelques jours. semaine. Je pars dans quelques semaines. Heure. Je pars dans quelques heures. Minute. Je pars dans quelques minutes. Practice drill A6. Tutor. Ils arrivent dans une heure? Student. Non, dans quelques heures. Ils arrivent la semaine prochaine? Non, dans quelques semaines. Ils partent l'année prochaine? Non, dans quelques années. Ils arrivent le mois prochain? Non, dans quelques mois. Ils arrivent dans une heure? Non, dans quelques heures. Il arrive aujourd'hui? Non, dans quelques jours. Il arrive la semaine prochaine? Non, dans quelques semaines. Il arrive le mois prochain? Non, dans quelques mois. Practice drill A7. Tutor. Il reste beaucoup de chambres? Student. Non, quelques chambres seulement. Il reste beaucoup de billets? Non, quelques billets seulement. Il reste beaucoup de valises? Non, quelques valises seulement. Il reste beaucoup de place? Non, quelques places seulement. Il reste beaucoup de couchettes? Non, quelques couchettes seulement. Il reste beaucoup de fiches? Non, quelques fiches seulement. Il reste beaucoup de livres? Non, quelques livres seulement. Il reste beaucoup d'autos? Non, quelques autos seulement. Il reste beaucoup de malles? Non, quelques malles seulement. Practice drill A8. Tutor. Les billets sont chers? Student. Non, certains billets seulement. Les chemises sont chères? Non, certaines chemises seulement. Les restaurants sont bons? Non, certains restaurants seulement. Les routes sont mauvaises? Non, certaines routes seulement. Les manteaux sont chers? Non, certains manteaux seulement. Les glaces sont bonnes? Non, certaines classes seulement. Les livres sont en solde? Non, certains livres seulement. Les chambres sont louées? Non, certaines chambres seulement. Practice drill A9. Tutor. Les billets sont chers? student. Certains, oui. Les chemises sont chères? Certaines, oui. Les restaurants sont bons? Certains, oui. Les chambres sont chères? Certaines, oui. Les routes sont mauvaises? Certaines, oui. Les manteaux sont chers? Certains, oui. Les classes sont bonnes? Certaines, oui. Les livres sont en solde? Certains, oui. Les chambres sont louées? Certaines, oui. Practice drill A10. Tutor. Il va à l'hôtel. Student. À quel hôtel va-t-il? Ils sont à l'hôtel. À quel hôtel sont-ils? Ils vont au restaurant. À quel restaurant vont-ils? Il est au café. À quel café est-il? Elle déjeune au restaurant. À quel restaurant déjeune-t-elle? On déjeune au café. À quel café déjeune-t-on? Il va chez le cordonnier. Chez quel cordonnier va-t-il? Elles vont chez le boucher. Chez quel boucher vont-elles? Il travaille à la pharmacie. À quelle pharmacie travaille-t-il? This is the end of tape 4, unit 5.